à prendre les enfants pour des enfants. Il ne faut pas prendre les enfants pour des enfants. Ils savent tout ce qu'il y a à savoir dans la vie. Ils n'ont pas besoin de plus pour être bien que d'aimer et d'être aimé, de rire et de pleurer, d'être fâché ou de rêver au pays enchanté. Il ne faut pas prendre les enfants pour des enfants. Il ne faut pas prendre les enfants pour des enfants. Les enfants sont toujours pour la paix. La guerre n'existe que dans les jeux. Ils ne se posent aucune question au sujet des races ou des religions. Ils sont tout petits, plus grand que nous. Ils mangent moins que nous, mais ont plus d'appétit. Il ne faut pas prendre les enfants pour des enfants. Il ne faut pas prendre les enfants pour des enfants. Il ne faut pas prendre les enfants pour des enfants. Il nous faut apprendre.